Zapatrene aj. With the terror I deceive by my aim, The bus. Pas la peine que l'on soit éloigné. Qu'une corde ne soit plus emmêlée, je préfère de mon vivant te dire combien je t'ai aimé. Pas besoin d'avoir vu la ciguée sur le cuir d'une banquette embiguée. Je préfère dès maintenant te dire combien tu m'as aimé. Car peu après c'est déjà trop tard, comme de l'à peu près, le cœur a horreur du retard. La vie dérive, défile et passe, tandis qu'on tire des plans sans sas sur la comète. Je préfère dès maintenant te dire combien je t'ai aimé. Pas besoin de m'être intoxiqué pour te dire tes quatre vérités. Je préfère de mon vivant te dire combien je t'ai aimé.

Thank you.